Exercice 2. Recherchez les raisons. Exemple. Pourquoi parle-t-on français ici? Coloniser le territoire. Parce que ce territoire a été colonisé. À vous. Pourquoi pars-tu en voyage? Fatigué. Parce que je suis fatigué. Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Se disputer. Parce que nous nous sommes disputés. Pourquoi travaille-t-il le dimanche? Trop de travail. Parce qu'il a trop de travail? Pourquoi quittes-tu l'entreprise? Vouloir changer de vie. Parce que je veux changer de vie. Pourquoi avez-vous choisi Tahiti? Le pays de Gauguin. Parce que c'est le pays de Gauguin.